battants. Les tambours sont battants, l'amour est latent. Comme un coup de poing qui ferait big badaboum. Si plonger ça fait plouf, tomber ça fait boum. On aura juste le temps de dire ouf. Laisse tes sentiments, laisse un billet de sang si tu mens. Qu'est-ce que tu attends? Bim badaboum. Comme disait Charles Trenet, mon cœur fait boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Et boum, tu sais jamais où tu fais traîner tes pieds. Mais ça pourrait faire boum. Big bada boum. Fais bien attention à ne pas tomber dans l'escalier. Big bada boum. Rendez-vous au Far West, ma belle. Ici duel, les vieux westerns. On avance, on danse, on se retourne. Bang bang. On pourrait dire et faire n'importe quoi, sauter de joie, ça ferait boum. Les filles de joie se jetteront-elles sur toi au son du boum boum. Elles flirtent avec toi et dans les cris, ça fait big bada boum boum. Happy end. C'est un mauvais scénario et toujours, toujours pas de maestro. On s'endort, on s'enlace et on en veut encore.